Les productions du bois sont heureuses de vous présenter James Voice. En exclusivité et pour la première fois en France, découvrez le nouveau spectacle de James Voice. James Voice, l'imitateur aux multiples talents. James Voice, ses imitations toujours plus surprenantes les unes que les autres. Découvrez James Voice qui imite un âne, qui imite un canard. Il vous ravira dans son imitation de la poule qui imite Franchin. Puis, puis, puis. Il vous ravira dans son imitation de la poule qui imite Alexandre qui imite Franchin. Puis, puis, puis, puis. Puis, puis. James Voice, l'imitateur pas comme les autres. James Voice est une production Dubois.